Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 4. Les trois jours d'absence, seconde partie. La perte de Jésus aurait été, dans toutes les circonstances, la plus cruelle douleur pour Marie, une douleur qu'il nous est impossible, avec notre faible grâce et notre amour encore plus faible, d'apprécier avec quelque justesse. Il faudrait que nous eussions le cœur de Marie pour ressentir le chagrin de Marie. Mais la circonstance particulière qui, dans les trois jours d'absence, rendait la perte de Jésus si terrible pour Marie, c'était les ténèbres dans lesquelles son âme était plongée comme dans un abîme. Elle, qui jusqu'alors avait été toute lumière, était devenue toute ténèbres. Elle ignorait comment Dieu agissait en elle. Elle avait à agir, et ne pouvait comprendre les circonstances dans lesquelles elle agissait. Ce n'était pas seulement le contraste avec le passé qui rendait le présent si difficile à supporter. La nuit descendue sur elle était, par elle-même, une angoisse intolérable. Toujours fixée en Jésus, elle n'avait jamais su jusqu'alors combien elle s'était appuyée sur lui, et il s'était retiré d'elle. Elle ne découvrit pas l'avenir, le passé était terni à ses yeux, et il ne lui donnait pas de lumière. Le présent était plein de perplexité, accompagné d'une douloureuse angoisse de cœur et de l'amertume de l'esprit. La sœur Marie d'Agreda rapporte qu'alors les anges même cessèrent leurs entretiens avec Marie de peur de l'éclairer touchant la perte de Jésus. Il ne peut y avoir aucun doute que ces ténèbres de Marie ne fussent produites par une opération divine. Pour trouver quelque chose de semblable, il faut que nous cherchions dans ces inexprimables épreuves intérieures qu'ont traversées quelques-uns des plus grands saints, en nous souvenant que si elles étaient envoyées aux saints comme une purification de leur esprit, pour le cœur immaculé de Marie, cette épreuve ne pouvait être, pour ainsi dire, qu'une nouvelle et merveilleuse sanctification ajoutée à celle qui l'avait précédée, car l'esprit de Marie n'avait pas besoin de purification. L'œuvre semblable dont l'accomplissement exigeait de longues années chez les saints, pouvait, dans l'âme de la Sainte Vierge, s'accomplir en trois jours, non seulement à cause de ses perfections, qui permettait à la grâce d'opérer plus rapidement et sans l'ombre d'un obstacle, mais encore parce que les opérations divines dans l'âme ont à peine besoin d'aucun laps de temps. Qui ne sait comment dans les songes, dans les accidents, dans des moments de souffrance le temps paraît comme miraculeusement comprimé. De longues années de la vie passée défilent dans un ordre distinct, régulier et clair devant l'âme qui semble réfléchir avec l'intelligence sur chacune d'elles et cependant tout cela n'a duré que le temps d'un éclair. De même, nous avons des apparitions d'âmes du purgatoire, qui se plaignent des longues années durant lesquelles leurs amis les ont laissées dans les flammes, sans messe ni prière, tandis que le soleil du jour qui a éclairé leur mort n'est pas encore couché. On nous enseigne que le jugement particulier, qui nous attend à la fin de la vie, n'occupera qu'un moment. D'ailleurs, une seule action paraît quelquefois accomplir l'œuvre de plusieurs années, même à l'égard de la formation des habitudes. Ceci est vrai surtout des actions héroïques, telles que le sacrifice d'Abraham. La même chose peut arriver dans la profession d'un religieux. Il peut y avoir quelque chose de la même nature dans la grâce spéciale des différents sacrements. Y a-t-il quelqu'un, parmi nous, qui ne se souvienne d'avoir senti quelque opération de la grâce d'une rapidité merveilleuse, et qui semblait à peine demander une succession de temps, tant elle était instantanée, tandis qu'elle était une véritable suite ou succession de différents degrés? Ainsi, dans l'âme parfaite de Marie, déjà élevée, par la grâce et l'union, à une hauteur si sublime, ces ténèbres divines de 3 jours peuvent avoir produit les effets les plus étonnants, effets que nous ne pouvons décrire, parce que l'élévation de Marie, même auparavant, s'étendait bien au-delà de notre vue. Ces ténèbres sont une particularité de la troisième douleur. Aucune autre des souffrances de la Sainte Vierge n'y participe au moindre degré. Il nous est impossible de dire, avec quelque degré de certitude, quand ces ténèbres cessèrent. Mais nous n'inclinons pas à y rapporter le fait que Marie ne comprit pas les paroles de Jésus dans l'académie du Temple. Nous regarderions plutôt ce fait comme une particularité séparée de cette troisième douleur, particularité qu'on pourrait attribuer à d'autres causes, et comme une preuve de l'influence que cette affliction exerça sur la nature. Il se peut, il est vrai, que les ténèbres se soient dissipées graduellement, à compter du premier moment où Marie vit Jésus. Nous nous hasarderons cependant à conjecturer qu'elles se dissipèrent entièrement dès le moment où Marie retrouva Jésus, tandis que quelques-unes de leurs conséquences persistèrent encore. Il est possible aussi que la faiblesse et la fatigue que Marie avait à peine sentie, parce que ses ténèbres et sa douleur absorbaient tous ses sentiments, se fissent alors sentir à elle, et se découvrissent par degrés sous l'influence de ce passage soudain du chagrin à la joie, de la même manière que nous le lisons de quelques saints, à la suite d'une longue extase. Les théologiens ont expliqué, par diverses raisons, pourquoi la Sainte Vierge ne comprit pas les paroles de Jésus. Rupert pense qu'elle les comprit, mais que, par humilité, elle agit et parut comme si elle ne les comprenait pas. Mais cette explication n'est pas satisfaisante, à cause de la difficulté de les accorder avec les paroles directes de l'Évangile. Stapleton pense que l'excès de la joie de Marie, en retrouvant Jésus, agit sur son esprit de manière qu'elle ne put comprendre les paroles de son Fils, exactement comme, par une cause contraire, c'est-à-dire par l'excès de la douleur, les apôtres ne purent comprendre plus tard ce que notre Seigneur dit au sujet de sa propre mort. Mais on saurait à peine établir une parité entre notre bienheureuse mère et les apôtres, et la conséquence qu'on en tirerait serait difficile à admettre, excepté sur de bonnes autorités. D'autant plus que ce serait représenter la tranquillité de la Sainte Vierge comme ébranlée, et l'usage de sa raison troublée pendant un certain temps, troublée même quand parlait celui dont la voix apaisait les vents et calmait les flots. Denis le Chartreux assigne des limites à l'ignorance de la Sainte Vierge. Il dit qu'elle savait que Jésus ne parlait pas de Joseph, mais de son Père éternel, qu'il faisait allusion à l'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde, et que, conformément à la nature humaine dont il s'était revêtu, il fallait qu'il s'occupât toujours de cette œuvre, mais que les circonstances du temps, du lieu et de la manière, n'avaient pas encore été révélées à Marie. Cette supposition, qui est plus honorable pour la Sainte Vierge que celle de Stapleton, repose sur l'opinion que les 33 années et la Passion se dévoilèrent graduellement à Marie par des révélations successives. Nous avons, dans tout le cours de cet ouvrage, supposé que Marie connaissait tout, ou presque tout, depuis le commencement, hypothèse qui s'accorde mieux avec les visions et les révélations des saints contemplatifs. Suarez suggère 2 hypothèses. Selon lui, Marie comprenait bien que Jésus parlait de son Père céleste, mais elle ne savait pas exactement ce qu'étaient les choses particulières, relatives à la science divine, pour lesquelles Jésus avait quitté Joseph et sa mère. Ou bien encore, Marie n'était pas tout à fait certaine que notre Seigneur ne voulût parler de l'intention qu'il aurait de hâter le temps de sa manifestation au monde, qui ne devait pas avoir lieu autrement avant sa 30e année. De sorte, ajoute-t-il, qu'il n'y aurait pas eu en mari d'ignorance privative, mais seulement absence de la connaissance de quelques particularités qui n'étaient pas nécessaires à la perfection de sa science. Mais, s'il en était ainsi, nous inclinons plutôt à rapporter cet état de la Sainte Vierge à la continuation de ces ténèbres divines par lesquelles Dieu l'avait visitée. Saint Aelred, et quelques autres, soutiennent que les paroles de Jésus formaient une espèce de synecdoche, et, qu'ainsi, elles ne s'appliquaient qu'à Saint Joseph et non à la Sainte Vierge. De la même manière que l'évangéliste dit que les deux larrons blasphémèrent sur la croix, tandis qu'en réalité, suivant quelques commentateurs, il n'y en eut qu'un seul qui le fit. Note du traducteur, la synecdoche est une figure de rhétorique par laquelle on fait entendre le moins en disant le plus, et réciproquement. Ainsi, d'après Saint Aelred, la Sainte Vierge comprit les paroles de Jésus et les conserva dans son cœur, afin de pouvoir les enseigner dans la suite aux apôtres. Mais on pourrait répliquer qu'il n'est pas certain qu'un seul des larrons ait blasphémé. Au contraire, l'opinion qu'ils le firent tous les deux est la plus commune. En outre, par son interprétation, Saint Aelred semble prendre, avec les paroles de l'Évangile, des libertés qui seraient à peine justifiables sans l'autorité, beaucoup plus grande, de la tradition. D'autres pensent que les mots « ils ne comprirent pas » s'appliquent à l'auditoire qui se trouvait dans l'académie, et nullement à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Mais cette opinion n'a pas grande valeur. Les fidèles ont toujours trouvé de la difficulté et du mystère dans ce passage, ce qui n'aurait pas eu lieu si cette interprétation eût été claire et naturelle. Novatus pense que, par une permission spéciale de Dieu, Marie ne comprit pas immédiatement les paroles que Jésus avait prononcées, mais qu'elle parvint à les comprendre en les méditant dans son cœur. Il trouve cette interprétation plus conforme aux paroles de l'Évangile et découvre un trait de ressemblance avec ce qui se passa dans l'esprit de Marie, dans la manière dont les cinq qui avaient le don de prophétie prévoyaient souvent l'avenir, non par une lumière prophétique directe, mais en comparant une lumière avec une autre, et en tirant de cette comparaison des conclusions nouvelles. Cependant, on ne voit pas clairement ce qu'il y a à gagner à cette supposition. Personne ne voudrait nier que la Sainte Vierge ait possédé tous les dons qu'ont possédé les saints. Mais pourquoi supposer gratuitement qu'aucune des imperfections qui accompagnaient, chez les saints l'exercice de ces dons, ait été attachée à Marie, outre celle qui lui appartenait nécessairement comme à une créature ? Hasardon nous a ajouté une autre conjecture au grand nombre de celles que les théologiens ont faites sur ce sujet. Ne peut-on pas supposer que chaque accroissement de sainteté dans la Sainte Vierge était accompagné d'un accroissement proportionné de sa science? Dans une nature parfaite et non déchue comme celle de Marie, il n'est pas aisé de concevoir que ces deux opérations fussent séparées. Chez l'être qui a péché, la dureté de cœur peut être éloignée par degrés sans qu'il y ait exacte proportion dans l'éloignement des ténèbres de l'esprit. La lumière et l'amour, quoique toujours corrélatifs, ne sont pas, chez les pécheurs, dans l'état parfait où ils sont chez les innocents. Ainsi, nous supposons que les ténèbres mystiques que Dieu envoya comme une épreuve spirituelle sur l'âme de Marie, donnèrent naissance à des actes si héroïques d'amour et d'union, qu'elle l'élevèrent à des hauteurs prodigieuses de sainteté, au-dessus de ces sommets élevés sur lesquels elle se tenait auparavant. Nous supposons qu'entre Marie, quittant la porte du temple à la fin de la semaine des Azymes, et Marie entrant le matin où elle trouva Jésus, Il y avait plus de différence surnaturelle qu'il n'y en eut jamais entre un saint dans sa sainte jeunesse et le même saint dans sa vieillesse beaucoup plus sainte encore. Il ne pouvait y avoir de révolution en Marie, parce qu'il n'y avait en elle rien à détruire, rien à renverser. Il n'y avait qu'à surajouter. Mais les additions nouvelles pouvaient être assez immenses ou assez rapidement accumulées, ou conférées d'une manière assez instantanée pour produire un changement que nous appellerions une révolution dans toute autre créature que la Sainte Vierge. C'est là, sans doute, ce qu'entendent les théologiens lorsqu'ils parlent de sa première sanctification, de sa seconde, de sa troisième sanctification, et ainsi de suite. Ils ne veulent pas nier qu'elle mérita toujours la grâce, et qu'ainsi elle crut toujours en grâce, mais que l'Immaculée Conception, l'incarnation, la descente du Saint-Esprit ou la mort de Marie furent, pour parler ainsi, des époques de création dans la sanctification de la Sainte Vierge, époques qui ne suivaient pas les lois de la croissance commune. Nous regarderions les ténèbres intérieures des 3 jours d'absence comme une époque de ce genre. Mais quel rapport y a-t-il ici avec le fait que Marie ne comprit pas les paroles de Jésus? Il nous faut monter pendant quelque temps jusqu'aux plus hautes régions de la théologie mystique. Il y a une science si élevée qu'elle touche aux confins de l'ignorance. C'est le lieu où ce qui est humain approche de ce qui est divin. C'est à une hauteur inexprimable, mais qui n'est pas inaccessible, puisqu'un petit nombre de saints et les séraphins y ont atteint. Peut-être la Sainte Vierge atteignit-elle à une plus grande hauteur? Mais comme il y a des limites au pouvoir des créatures, la Sainte Vierge atteignit au plus reculé de ses limites et put plonger ses regards dans les abîmes divins qui étaient situés au-delà. Là les ténèbres sont l'excès de la lumière, et la science est ignorance, non seulement parce que l'engage n'a pas de vaisseau qui puisse contenir ses définitions, ni la pensée de moule pour formuler ses idées, mais aussi parce que les yeux de l'âme sont fermés et que l'on touche à Dieu. Ce que l'esprit voit, c'est qu'il ne sait pas, qu'il ne peut savoir, qu'il est submergé, que sa lumière est une clarté merveilleuse et indistincte, que le savoir s'est perdu dans l'amour, et que l'amour vit caché dans la jouissance. Les mêmes mots font naître des idées différentes dans des esprits différents. Si nous disons que la lune tourne autour de la terre, le paysan nous comprend, mais le savant comprend notre proposition d'une manière différente, parce qu'il la comprend d'une manière plus étendue. Peut-être un ange la comprendrait-il encore d'une autre manière. Ainsi, les paroles que notre Seigneur prononça dans le temple ne furent pas comprises par les docteurs, parce qu'ils ne savaient pas qui était son père, ni ce qu'était son affaire, ni pourquoi son père ne devait pas le chercher parce qu'il s'était tenu éloigné pour faire l'œuvre de son père. Saint Joseph ne les comprit pas, parce que, quoiqu'il sût sans doute que Jésus parlait de son Père éternel, et de la rédemption du monde, qui était l'affaire de son Père, il ne savait pas de quelle partie de cette œuvre Jésus voulait parler, ni pourquoi c'était une raison pour qu'il les eût quittés sans les en avertir. Marie ne les comprit pas, parce que, pour elle, chacune de ces paroles sortait de quelque abîme inimaginable de la sagesse divine, transportant l'œuvre de l'incarnation bien avant dans les conseils éternels de l'Esprit divin, étendant immensément la portée de la vue de la Sainte Vierge, sans toutefois lui présenter des images distinctes, l'attirant plus étroitement dans les replis de la sagesse divine. Jusqu'à ce qu'elle touchât presque ce qu'elle voyait et cessa ainsi de voir, l'élevant enfin à ce dernier point de la connaissance où une ignorance divine est la consommation de la science de la créature. C'étaient les paroles elles-mêmes qui empêchaient Marie de les comprendre, parce qu'elles la transportaient dans une région où l'intelligence s'anéantit pour se changer en quelque chose de meilleur, à cause de la proximité de Dieu. C'étaient les ténèbres précédentes qui avaient transporté la vie de l'âme de Marie au point où cette ignorance divine était possible. Telle est, en toute humilité, la conjecture que nous nous hasardons à faire pour expliquer cette difficulté. Notre Sainte Mère sait combien d'ignorance et de déraison peut s'y trouver, mais elle ne dédaignera pas une conjecture dont le motif est l'amour et dont le but est son plus grand honneur. Il y a, dans cette troisième douleur, une particularité qui est en parfaite harmonie avec les traits mystérieux que nous en avons déjà mentionnés. La première douleur avait été infligée à Marie par Siméon, et la seconde par Joseph. La troisième lui était infligée par Jésus lui-même, sans aucune intervention des créatures. C'est là un point très important à remarquer lorsqu'on médite sur la troisième douleur. D'un certain point de vue, cette circonstance la rendait plus aisée à supporter, mais d'un autre point de vue, elle la rendait plus pénible. Marie trouvait plus de motifs pour se résigner à son affliction, tandis que la peine en elle-même était plus cruelle. Ce que Dieu condescend à faire lui-même est non seulement mieux fait que la créature ne peut le faire, mais encore est fait d'une manière très différente. Non seulement il y a plus grande fécondité en résultat, mais les résultats en sont d'une autre sorte et portent une empreinte différente. Les paroles de Dieu, lorsqu'il les dit lui-même à l'âme, sont substantielles et créatrices. Elles effectuent ce qu'elles expriment, et l'effectuent simplement parce qu'elles sont prononcées. Aussi y a-t-il quelque chose d'extrêmement redoutable dans l'action immédiate du Créateur sur l'âme de la créature. C'est un contact divin qui nous presse sans aucun intermédiaire, même sans celui de la chair qui appartient à l'âme qu'il touche. C'est une opération spirituelle ayant quelque chose de tranchant et d'acéré, et qui ne ressemble à nul autre. C'est à cause de cela que l'action directe de Dieu sur les âmes des saints est beaucoup plus sanctifiante que ne l'est la persécution des créatures, ou la peine des austérités, ou la pression de la providence extérieure de Dieu. Cette action a aussi le trait caractéristique qui appartient à l'ordre le plus élevé des miracles, c'est-à-dire qu'elle est instantanée dans ses effets. C'est pourquoi, lorsque l'intention de Dieu dans son action immédiate est de causer la souffrance, il faut qu'elle atteigne son but d'une manière dont la pensée nous fait trembler. Il est effroyable de contempler une chose créée, qui a été tirée du néant par la toute-puissance dans l'unique but d'infliger la torture. Tel est le feu de l'enfer, et l'action mystérieuse de ce feu sur des âmes dégagées de leur corps, tant dans l'enfer que dans le purgatoire. Qui pourrait y penser sans frémir? Il ne remplit aucune fonction bienfaisante. Il n'y a nul résultat indirect dans lequel il s'égare et dans lequel, pour ainsi dire, il se repose. Il a été créé pour torturer. Ce n'est point un élément détourné de sa fin première, il a son but, et s'y tient. Toute l'éternité, il brûlera sans relâche. Multipliez, rendez plus profonde et plus étendue, condensez la masse sur laquelle ce feu est destiné à agir, et il sera prêt à exercer son action sur cette masse, sans se détourner, sans éprouver de tension, sans s'affaiblir. Il sait ce qu'il a à faire, et il le fait avec une vérité terrible, avec un succès irréprochable. Et cependant le feu n'est qu'une cause secondaire. Que doit donc être le contact de Dieu lui-même, et ce contact infligeant la souffrance sous l'impulsion de l'amour? Oh, il y avait plusieurs martyrs en un seul dans les 3 jours d'absence. Nous ne sommes pas dignes de les raconter ni de les concevoir. Que les créatures se tiennent à l'écart, ou plutôt qu'elles restent rapprochées et prosternées pendant que Dieu fait ce qu'il veut de l'âme de sa mère. Cependant, la nature créée n'est pas en Marie étrangère à ce martyre, car la mère naturelle était crucifiée dans son propre cœur par le Fils qu'elle avait porté. Les deux natures de Jésus s'étaient réunies pour faire souffrir Marie, la beauté du visage de Jésus, la lumière de ses yeux, les attraits de son cœur humain faisaient souffrir à sa mère les tortures et l'angoisse quand elle pensait à la perte qu'elle avait faite, tandis que, comme Dieu, Jésus la visitait par ses effrayantes épreuves intérieures, qui, comme nous l'avons vu, formaient la partie principale de la troisième douleur. Il serait inutile de parler ici d'océan de douleur. Des infinités exprimeraient mieux notre inhabileté à en parler. Lorsque Marie vient à prendre sa place légitime dans nos esprits, nous trouvons en elle beaucoup de choses dont la portée est différente de ce qu'elle serait chez l'un des saints. L'idée de Marie, telle que nous la porte l'Évangile interprété par la théologie catholique, n'est pas dans notre esprit une vue purement intellectuelle. Quoique cette idée soit, dans un sens, une conclusion théologique, cependant elle est quelque chose, de beaucoup plus que cela, elle est un produit de la foi et de l'amour, et elle a pénétré en nous par l'habitude de la prière. Ainsi, au-dessus de la connaissance des mystères de l'Évangile, il y a dans l'âme du pieux croyant une appréciation, une conception, une vue réelle instinctive et presque intuitive de Jésus et de Marie, qui a sa certitude, ses associations, ses perceptions et ses analogies propres. Il est vrai que l'esprit individuel donne à ces choses quelques couleurs et quelques consistances. Cependant lorsque, dans la popularité d'écrits variés, dans l'esprit des dévotions, dans les contemplations des saints, et d'une autre manière, de telles idées atteignent à une sorte d'universalité, elles deviennent le sens des fidèles, et expriment la vraie idée catholique. Le soin de cultiver en nous de justes sentiments touchant notre Seigneur et sa Mère, est évidemment une chose de grande importance, à cause de sa liaison nécessaire avec la sainteté, et de l'influence que ce soin exerce sur notre adoration du Saint-Sacrement, sur diverses autres dévotions et sur l'esprit dans lequel nous observons les grandes fêtes de l'Église. Maintenant que nous avons dans nos esprits une idée claire et fixe sur Marie, certaines choses que nous entendons ou que nous voyons nous étonneront et nous frapperont comme invraisemblables. Si elle ne repose pas sur l'autorité de la foi, mais qu'elle soit simplement les vues de quelques prédicateurs, l'enseignement d'un livre ou la contemplation de quelques saints isolés, nous les écartons comme ne convenant pas, parce que nous avons plus de confiance, et avec raison, dans notre vue de la Sainte Vierge, qui est devenue une partie de notre vie spirituelle, que dans le prédicateur, le livre ou le saint particulier. Nous ne les condamnons pas, peut-être n'aimons-nous pas même à en différer, seulement nous laissons de côté. Mais si ce qui nous étonne nous vient par l'autorité de l'Église, alors il faut que nous réformions l'idée qui est dans notre esprit. Il faut que nous nous attendions à trouver dans ce qui nous surprend quelque signification profonde et inaccoutumée. Or il y a, dans cette troisième douleur, une ou deux choses de ce genre qui doivent être énumérées parmi ses particularités. D'abord, il ne nous paraît pas conforme au caractère de la Sainte Vierge qu'elle ait permis à sa douleur de lui arracher aucune démonstration extérieure de chagrin. Non seulement elle montra sa douleur par sa conduite extérieure, mais elle dit à Jésus qu'en le cherchant, Joseph et elle-même avaient été fort en peine. Elle le lui dit presque d'un ton de reproche. Or les saints ont supporté les plus grandes afflictions dans un silence complet, héroïque et surnaturel. Cette manière d'agir a toujours été un trait caractéristique chez eux. Ils ont désiré que nul autre que Dieu ne connût leurs afflictions. La Sainte Vierge était-elle inférieure à aucun des saints relativement à ce don du silence? Au contraire, le silence était une de ses grâces les plus remarquables. La tradition dit que les trois habitants de la Sainte Maison de Nazareth ne parlaient presque jamais. Les 12 entretiens célestes, que nous avons pu nous figurer comme une partie de la vie de la Sainte Famille, n'ont eu lieu que dans notre imagination, ils n'ont pas existé. Il y régnait un silence plus profond que dans une solitude de larmes ou dans une maison de Chartres où les vents des Alpes mugissent à travers les corridors et ébranlent les fenêtres, tandis que tout le reste est silencieux comme la tombe. Les paroles de Jésus étaient très rares. C'est là la raison pour laquelle Marie les conservait dans son cœur, parce que, comme des trésors, elles étaient rares autant que précieuses. Si nous réfléchissons, nous verrons qu'il ne pouvait guère en être autrement. Dieu est très silencieux. En ce qui concerne Marie, le récit de l'Évangile confirme la tradition. Le petit nombre des paroles de Marie qui s'y trouvent rapportées est étonnant. Qu'elle soit en mouvement ou en repos, elle y apparaît comme une belle statue dont la beauté est le seul langage. Cela est si frappant que quelques saints contemplatifs ont supposé que, dans son humilité, Marie avait commandé aux évangélistes de supprimer, en ce qui la concernait, tout ce qui n'était pas absolument nécessaire à la doctrine de notre Seigneur. Saint Jean, qui vécut le plus avec la Sainte Vierge, ne dit presque rien d'elle. Saint Marc ne fait mention d'elle qu'une seule fois, et seulement d'une manière indirecte. Sans nul doute aucun saint ne pratiqua le silence comme elle le fit. Son silence envers Saint Joseph en est une preuve merveilleuse. Mais comment eût-elle pu n'être pas silencieuse? Une créature qui avait vécu si longtemps avec le Créateur ne pouvait parler beaucoup. Son cœur était plein. Son âme était réduite au silence. Elle était avec Jésus depuis 12 longues années, de longues années relativement à la formation des habitudes, quoiqu'elle eût passé pour Marie comme une extase sainte, pleine d'un douloureux amour. Elle avait porté Jésus dans ses bras. Elle avait veillé sur lui pendant qu'il dormait. Elle lui avait donné sa nourriture. Elle l'avait regardé dans les yeux. Il lui avait sans cesse dévoilé son cœur. Elle avait ainsi appris à le comprendre. Toutes les similitudes avec Dieu étaient passées dans l'âme de Marie. Nous savons combien Dieu est silencieux. Entre le Créateur et la créature, dans des relations telles que celles qui existaient entre Jésus et Marie, le silence, mieux que les paroles, était un langage. Qu'auraient pu faire les paroles? Qu'aurait-elle pu dire? Elle n'aurait pu porter le poids des pensées de la mère, encore moins celui des pensées du fils. Parler aurait été un effort, une condescendance, une descente de la montagne, de la part de Marie aussi bien que de Jésus. Et pourquoi descendre? Saint Joseph n'en avait pas besoin. Lui aussi demeurait bien haut parmi ces montagnes de silence, trop haut pour qu'aucune voix, je dirais presque le moindre écho de la terre pût retentir jusqu'à lui. Il n'avait pas besoin, comme la multitude, que la verte montagne, la plaine ou le rivage de la mer de Génézareth, lui servissent d'école. Quant à notre Seigneur, même dans le temps de son ministère, qui était le temps de parler, comme la vie cachée était le temps de se taire, Il était très silencieux. De quelle manière remarquable Saint Jean, le disciple du Sacré-Cœur, ne nous donne-t-il pas cela à entendre à la fin de son évangile? Le texte lui-même résonne comme s'il y avait moins d'exagération à y parler de paroles qu'à y parler d'œuvres. Or, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si on les rapportait en détail, je ne crois pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Parlait-il des 33 années, ou bien finissait-il son évangile, comme il l'avait commencé, par les actes éternels du Verbe? Mais n'en devient-il pas plus surprenant que la Sainte Vierge se soit permis cette démonstration de sa douleur, cette démonstration extérieure est presque faite d'un ton de reproche? Il y a là, en effet, quelque chose de très mystérieux. D'après le livre de Job, nous savons à quelle hardiesse dans les plaintes, à quelle apparence inconvenante de familiarité et d'amour, Dieu permet à ses créatures de se livrer. Il semble même éprouver du plaisir et trouver de l'adoration dans ces expressions franches qui surgissent des dernières profondeurs de la nature qu'il a lui-même formée. C'est là la consolation de l'affligé, lorsqu'il pense à Dieu. Mais rien de tout cela ne saurait s'appliquer à Marie. Les paroles de plainte furent-elles un acte héroïque d'humilité par lequel elle exprimait la douleur de Joseph en s'unissant à lui? Il peut en avoir été ainsi. Un pareil acte était digne de Marie, mais il y a une vérité si grande dans les paroles de l'Évangile, que nous n'aimons pas à amoindrir l'exactitude de leur sens par des interprétations telles que celle-ci, à moins que nous n'y soyons forcés par une nécessité évidente. Nous ne connaissons que quelques-unes des paroles de la Sainte Vierge. Nous désirerions que ces paroles renfermassent quelques significations sur ce qui la concernait. Les paroles qu'elle prononça étaient-elles destinées à nous faire comprendre la souffrance extrême de la troisième douleur, sans impliquer chez Marie aucun besoin ni aucune satisfaction lorsqu'elle exprima sa plainte? Nous trouvons dans l'Évangile quelques exemples à l'appui de cette supposition. Ainsi, lorsque notre Seigneur priait et qu'une voix vint du ciel, il dit à ses disciples que c'était pour eux qu'il avait prié son Père afin de le glorifier. Mais cette interprétation présente la même difficulté que la dernière. Assurément, il y avait de l'humilité dans les paroles de la Sainte Vierge, et c'était en unissant la grande mais bien inférieure douleur de Joseph avec la sienne. Les paroles qu'elle prononça nous révèlent, il est vrai, la grandeur de son affliction, mais c'est par leur propre vérité et dans leur acception littérale. C'était l'excès de son angoisse qui lui arrachait ces merveilleuses paroles, non dans l'excitation d'un changement soudain de sentiment, mais dans une parfaite tranquillité et dans une possession d'elle-même non interrompue. Et il n'y avait là non plus aucune imperfection. L'idée d'imperfection ne se présente qu'avec l'idée de disproportion. Si nous nous plaignons, c'est parce que nous sommes faibles. Notre douleur est hors de proportion avec notre force, et ainsi, sans être aucunement à blâmer, nous préférons une plainte, et notre plainte vient d'une imperfection qui n'est pas coupable. Les saints souffrent et ne se plaignent pas, parce que leur force intérieure est proportionnée à leur douleur, et leur silence est une perfection. Mais il y a encore un degré plus élevé. La parole, dans la détresse de la créature, est son recours nécessaire vers le Créateur. La plainte adressée aux créatures est la plainte, mais la plainte faite à Dieu est une adoration. Les douleurs des saints ne se sont jamais étendues aussi loin qu'ils pouvaient souffrir, mais nous supposons qu'il en a été autrement des souffrances de Marie dans sa troisième douleur. Elles dépassèrent non seulement le pouvoir, mais les droits du silence. Elles entraînèrent la nature de Marie jusqu'aux dernières limites de sa faculté de souffrir, quelque sublime et vénérable que fût cette nature. Elles la forcèrent à faire ce qui était proportionné à leur violence, c'est-à-dire à chercher le dernier refuge de la créature en ouvrant entièrement son cœur au Créateur. La perfection de notre Seigneur, dans sa nature humaine, atteignit à son plus haut point dans une parole. Son silence était, sans doute, une adorable perfection, mais il y avait encore plus de sublimité dans ce cri qui s'échappa de ses lèvres. « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est alors que sa passion atteignit aux dernières limites de son humanité. C'est ainsi que notre mère bien-aimée eut sa passion à la fin de l'enfance de Jésus, et sa compassion en même temps que la passion de notre Seigneur, à la fin du ministère public. Les ténèbres de la troisième douleur furent le Gethsémani, la paire de Jésus fut le crucifiement de l'âme de la Sainte Vierge, la plainte de Marie fut son cri sur la croix, quand le tourment de la croix finissait. Il en était alors pour Marie, comme il devait en être plus tard pour Jésus. Il y a encore, dans la troisième douleur, une chose qui nous frappe, comme s'accordant peu avec ce que nous savons d'ailleurs de la Sainte Vierge, c'est qu'elle ait osé questionner notre Seigneur sur les raisons de sa conduite. Au milieu de son amour pour Jésus, la pensée toujours dominante dans l'esprit de la Sainte Vierge, le souvenir qui ne s'endormait jamais, le fait qui était son adoration, c'était la divinité de Jésus. C'est à cela, en effet, qu'était due la grandeur de l'amour de Marie. Il paraît très vraisemblable que notre Seigneur avait en réalité manifesté sa nature divine à Marie, mais, dans tous les cas, la Sainte Vierge voyait sans cesse par la foi la divinité de Jésus. C'était la chose proéminente qu'elle contemplait continuellement en lui. Il semblerait donc impossible qu'elle le questionnât. Son humilité et son intelligence le lui défendaient également. Elle l'avait fait une fois, immédiatement avant de consentir à l'incarnation, mais elle avait adressé sa question à un ange, et non à Dieu, et d'ailleurs, ces jours-là étaient passés. Pourquoi donc alors semble-t-elle demander à Jésus, et cela en public, de s'expliquer et de se justifier de ce qu'il avait fait? Les paroles de Marie, rapportées par les évangiles n'ont rien ailleurs qui leur ressemble. Elles sont apparues comme en relief, appelant l'attention, et cependant pleines de mystère. L'esprit de Marie n'était pas troublé par les ténèbres intérieures de son âme, il n'avait jamais été troublé par elle, le mot troublé n'est pas ici le mot convenable. D'ailleurs, ces ténèbres s'étaient dissipées aussitôt que Marie avait revu Jésus. Ce n'était pas au milieu des transports de joie qui, en cet instant, pénétraient de toutes parts dans son âme, que Marie parlait sans se rendre compte de ce qu'elle disait, de même que Pierre sur le Thabor, quand il parlait de dresser trois tentes. Ni la joie ni l'affliction ne firent jamais même vaciller la balance de la tranquillité de Marie. Il n'y eut jamais de conflit en elle, la lutte aurait profané son cœur immaculé. Il ne serait pas exact de dire que Marie eut besoin de savoir. Sa science était si vaste qu'elle était absolument sans désir de s'accroître, du moins en tant qu'elle était simplement une science et non l'accompagnement béatifique d'un amour qui s'augmentait sans cesse. La science de Marie était telle que celle qui convenait à son excellence comme mère de Dieu. Elle savait non seulement tout ce qui lui était dû, non seulement tout ce qui lui était convenable, mais tout ce qui pouvait agrandir ses perfections dans les limites d'une créature. Chaque chose en Marie avait ses limites. En elle, chaque chose était vaste, mais limitée. Sa beauté avait ses limites. Elle restait une créature, aussi sa science était-elle parfaite et n'avait-elle d'autre imperfection que celle qui est inévitable dans tout ce qui est créé. Dieu seul est illimité, Dieu seul a l'omniscience, Dieu seul a la perfection absolue, indépendante et intrinsèque. Pourquoi alors Marie questionna-t-elle ainsi Jésus? Il faut que nous nous hasardions respectueusement à faire une conjecture. Marie agit ainsi par une impulsion du Saint-Esprit, par une attraction de Jésus lui-même, par une volonté qu'elle lisait dans le cœur sacré de Jésus. Marie venait d'être élevée à une nouvelle hauteur de sainteté. Elle avait été attirée plus près de Dieu. Le temps de la hardiesse suit les grandes grâces, comme le temps des grandes grâces suit les grandes épreuves. La piété adore familièrement, lorsqu'elle est en contact actuel avec Dieu. Nous voyons cela dans les saints, mais que sera le phénomène analogue dans la sainteté de Marie? C'est que Jésus invitait sa mère à le revendiquer lui-même, à faire valoir ses droits et son autorité sur lui, et tout cela en public devant les docteurs. C'est ainsi qu'il voulut proclamer solennellement qu'elle était sa mère et qu'il voulut l'honorer devant tous, tandis que ceux qui entendaient ne savaient guère tout ce qu'impliquait cette proclamation royale. De même qu'il fallait une grâce immense à Saint Joseph pour rendre son humilité capable de gouverner son Dieu et de lui donner des ordres. Ainsi fallait-il alors à Marie une grâce immense pour qu'elle fît valoir ses droits sur Jésus. Mais elle le fit avec le même calme et la même simplicité qui avait présidé à son consentement à l'incarnation. Et, en ce moment, elle était placée sur une autre montagne plus élevée que celle qui, un moment auparavant, servait de piédestal à sa grâce merveilleuse. La gloire de l'obéissance, le triomphe de l'humilité, la magnificence de l'adoration, tout cela était dans la question hardie de la Sainte Mère. Il nous faut aussi mentionner, comme une particularité de cette troisième douleur, qu'elle fut une des principales souffrances de notre Seigneur, et peut-être même plus que sa principale souffrance. Il y avait, au XVIIe siècle, une religieuse de l'ordre de la Visitation, à Turin, qui vivait dans l'état de l'union la plus parfaite avec notre Seigneur. Son nom était Jeanne Bénigne Gojos. Elle avait une dévotion spéciale pour l'humanité sacrée de Jésus-Christ, et la forme particulière de sa spiritualité consistait dans l'offrande de toutes ses actions au Père éternel, en union avec celle de Jésus. Il avait été révélé que c'était là la dévotion particulière de Marie et de Joseph sur la terre, amoureuse invention, disait-elle, par laquelle ils avaient gagné des grâces immenses. En repassant dans son esprit les mystères variés des 33 années de notre Seigneur, elle se sentit attirée d'une manière surnaturelle à unir son âme avec lui dans le mystère des 3 jours d'absence. Cela devint son occupation intérieure jusqu'à ce qu'il plût enfin à notre Seigneur de lui révéler, à ce sujet, quelques-uns des secrets de son sacré cœur. Il lui dit que, dans la troisième douleur de Marie, il avait plus souffert que dans toutes les autres peines qu'il avait éprouvées pendant toute sa vie. Car, dans l'affliction de sa mère, affliction causée par la séparation, il voyait comprise la douleur qui devait être pour elle le martyre sur le calvaire, et, de même que là, le corps et l'âme de Marie auraient été séparés par l'agonie de la douleur, s'il ne les eût retenus ensemble par sa toute-puissance. Ainsi, durant les 3 jours d'absence, son amour tout-puissant avait tenu Marie et Joseph unis à sa personne, et la violence de leur douleur était si grande que, sans ce secours secret, Ni l'un ni l'autre n'eussent pu continuer à vivre. Il ajouta encore que leur douleur était réellement incompréhensible, et que personne que lui-même ne pouvait la comprendre. Vie, page 453. Méditons là-dessus sans oser y rien ajouter. Les auteurs de la théologie mystique, sur lesquels nous a conduit cette troisième douleur, ne doivent cependant pas nous faire omettre quelques autres considérations qui se rapprochent davantage de notre propre niveau. Il n'est pas besoin de chercher une gradation dans les choses divines. Les petites choses ne deviennent pas plus petites à côté des grandes quand la présence de Dieu se voit dans les unes et dans les autres. C'est pourquoi nous avons le droit de remarquer cette particularité des trois jours d'absence. Si nous pouvons parler ainsi, la douleur que ressentit alors Marie la rendit capable de mieux comprendre combien sont misérables ceux qui sont dans le péché. La Sainte Vierge devait être la mère de miséricorde et le refuge des pécheurs. Elle devait les aimer comme jamais mère n'aima son enfant innocent. Elle devait être un sanctuaire tellement fortifié par l'amour, que la toute-puissance elle-même put à peine en arracher les victimes dues à sa justice. Ce n'était donc pas assez pour Marie d'avoir une vision merveilleuse du péché, il fallait qu'elle sût ce qu'éprouvaient ceux qui avaient malheureusement péché. Mais comment cela devait-il être? Qu'est-ce que le péché avait à faire avec elle? Il devait à la fois lui ôter son enfant et lui en donner une multitude d'autres. L'ombre du péché était tombée dès le commencement sur la joie de son cœur, n'épargnant ni celui qui était sa joie vivante et qu'elle voyait se mouvoir autour d'elle dans la maison de Nazareth, ni cette joie intérieure qui était sa vie. Du reste, en Marie, le péché n'avait rien à faire, il ne l'avait jamais traversé. Le décret par lequel il avait été prévu ne la concernait pas, elle avait été décrétée auparavant. Elle ne voit que trop la malice du péché, lorsqu'elle regarde Jésus, et sait que le péché causera sa mort. Mais comment devinera-t-elle les sentiments des pauvres pécheurs, tout en conservant toujours son âme pure? C'est au moyen de sa troisième douleur. Le péché est la perte de Jésus. C'est là une misère qu'elle connaît maintenant. Le péché est la perte de Jésus, une fois possédé. Marie avait aussi cette expérience, là se trouvait l'aiguillon. L'incertitude à laquelle elle était en proie, pendant que les ténèbres surnaturelles demeuraient sur son âme, cette incertitude, qui la fit douter si sa propre indignité n'avait pas éloigné d'elle Jésus, lui fit éprouver quelque chose qui, au moins, approchait de la terreur de celui dont la grâce s'est retirée, et qui a, par sa propre faute, perdu notre Seigneur. Alors, du moins, Marie peut connaître la nature de cette douleur. Mais, perdre Jésus après l'avoir une fois possédé et ne pas sentir cette perte, et être même complètement indifférent, la reconnaître et n'en avoir nul souci, voilà, après ce que Marie avait éprouvé, ce qui lui révéla, de la manière la plus lamentable, la détresse si grande, la privation si cruelle que ressent le malheureux pécheur. Désormais, si Marie mesure le péché par le calvaire, elle mesurera son amour pour les pécheurs par la douleur des trois jours d'absence, et n'avons-nous pas déjà dit que cette douleur fut la plus grande de toutes celles de Marie? Mais il y eut encore une autre particularité dans cette douleur. Elle fit ce à quoi on n'eût jamais pu s'attendre. Elle fit éclore dans le cœur de Marie un nouvel amour pour Jésus, l'amour de ce que nous avons perdu et pleuré, puis retrouvé. L'affection n'a pas de plus grande consécration que celle-là, c'est une fleur qui croît très communément sur les douleurs humaines, mais dont toutes les variétés sont d'une beauté éminente. Voici une mère penchée sur le chevet de son enfant qui se meurt, son cœur est sur le point de se briser. Put-elle arrêter cependant la main de Dieu? Elle ne le ferait pas, tant sa volonté est conforme à celle d'en haut. Mais son cœur, oh, la soumission de la volonté refoule violemment sur ce cœur l'affliction tout entière. La fleur se fane, elle la voit, sous ses yeux, se flétrir d'heure en heure. La science humaine a déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir, mieux valait déclarer qu'elle manquait de confiance en elle-même. Il est inutile de parler à une mère de la perte de tout espoir, c'est un langage qu'elle ne comprend pas. La douleur de la mort est dans son âme, mais elle espère toujours. Elle a fait son sacrifice à Dieu, mais elle espère toujours. Nul autre n'espère, mais elle espère. C'est l'espérance seule qui empêche, et tout juste, son cœur de se briser. Mais il se fait un changement sur le visage de l'enfant, il semble que la vie soit près de l'abandonner. La mère voudrait presque révoquer son sacrifice, mais elle ne le fait pas. Elle est la fille de Dieu aussi bien qu'elle est la mère de son enfant. Elle le voit retomber en arrière, ses yeux se ferment, et son faible poids creuse l'oreiller un peu plus profondément. Est-ce la mort? C'est la mort pour le cœur de la mère, et l'espérance s'enfuit, et le monde s'écroule sous ses pieds. Ce n'est plus le sol qui la soutient, c'est le bras du Père Céleste. Mais pour l'enfant, ce n'est pas la mort, c'est le sommeil, c'est l'espérance. Encore quelques jours, et, faible, pâle, silencieux, l'enfant est couché sur les genoux de sa mère, souriant faiblement en la regardant. Il pourrait parler, mais on ne le lui permet pas. Le silence de ce sourire est une musique si délicieuse pour le cœur de la mère. Mais aime-t-elle son enfant comme elle l'aimait auparavant? Oh, non, c'est un nouvel amour. Elle est maintenant deux fois sa mère, parce que son Père Céleste lui a donné deux fois. Quelques-uns de nous ont été deux fois les enfants de leur mère, et Marie doit être maintenant deux fois une mère pour eux, parce que leur mère terrestre n'est plus. Pauvre mère terrestre, qu'es-tu donc, comparée à Marie, qu'est ton enfant, comparée à Jésus? Aussi, n'avons-nous pas de moyens pour comprendre le nouvel amour que ressent cette mère bénie pour le Fils, que le Père éternel lui a maintenant donné deux fois? Nous avons dressé nos petites échelles, nous avons établi les comparaisons de nos amours les plus doux, mais nous ne pouvons monter au sommet. En vérité, si Marie eut des croix nombreuses dans sa troisième douleur, elle en sortit aussi avec de nombreuses couronnes, dont la plus précieuse était une nouvelle manière d'aimer Jésus. Telles furent les particularités des trois jours d'absence. Puisse notre mère chérie nous pardonner d'avoir tenté de sonder les profondeurs de cette douleur que notre Seigneur lui-même a déclarées incommensurables. Marie a promis que ceux qui donneraient des lumières sur elle posséderaient la vie éternelle. Les efforts que nous avons faits avec amour ne resteront donc pas entièrement sans récompense. Mais il faut que nous passions maintenant des particularités de ce mystère aux dispositions dans lesquelles Marie a souffert. La grande disposition qui dura en Marie pendant sa troisième douleur fut un mélange de désir ardent et de détachement qu'il nous est impossible de comprendre. Un pareil mélange de ces deux sentiments ne pouvait exister qu'une seule fois dans le monde, et dans une seule créature, la mère choisie de Dieu. Marie désirait ardemment retrouver Jésus, parce qu'elle était sa mère. Elle désirait sa présence sensible à cause de sa beauté visible. Ce désir était d'autant plus ardent chez Marie, que ses pensées n'étaient pas habituées à séparer l'Éternel de l'enfant. Pourquoi eut-elle mis un terme à sa dévotion ou rendu son adoration moins simple, en désunissant par la pensée ce que Dieu avait uni, ce qu'il avait uni par les liens si serrés de l'union hypostatique? Mais, en désirant avec une telle ardeur, Marie agissait avec une parfaite conformité à la volonté de Dieu. Elle pratiquait la difficile vertu du détachement au degré le plus héroïque qui ait jamais été connu, et cela non point par froideur, mais le cœur brisé. Le désir de Marie n'était accompagné d'aucune sorte de détachement, lorsqu'il avait pour objet Dieu lui-même ou la nature divine de Jésus. Le détachement a pour objet les créatures, et le détachement des dons créés de Dieu est une vertu encore plus élevée. Mais le détachement qui a Dieu pour objet est une horreur qui n'appartient qu'à l'impénitence et à l'enfer. Après Marie et Joseph, et peut-être après Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre est ma probablement notre Seigneur plus qu'aucune autre créature, plus même que les ardents séraphins, et après lui Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais dans l'amour des apôtres, tout profond, tout ardent et tout glorieux qu'il était, il y avait quelque chose qui n'était pas entièrement parfait. Il s'y mêlait quelque alliage terrestre. Il était utile que le Seigneur s'en allât. Il était nécessaire à leur complète sanctification que sa précieuse présence sensible leur fût enlevée. Or, les opérations de la grâce purifient les imperfections, non seulement en les chassant de l'âme, mais en les remplaçant par quelque don important ou par la présence particulière de Dieu. Ce don qu'elle laisse dans l'âme et qui la purifie, n'est pas inséparable de la purification elle-même, quoique, en fait, les deux choses vont toujours ensemble chez les saints. La Sainte Vierge n'avait rien à purifier. Elle n'avait pas pour Jésus de tendresse purement naturelle qui ne fût déjà absorbée par la tendresse surnaturelle, et sanctifiée par celle-ci. Rien d'indigne, rien de terrestre dans son amour. Mais la soustraction de la présence sensible de Jésus donna peut-être à Marie le même don qu'en reçurent les apôtres, sans que ce don renfermât pour elle la vertu purifiante dont elle n'avait pas besoin. Et il se peut qu'en proportion de son excellence, Marie ait alors reçu ce don à un degré plus élevé que ne le reçurent les apôtres. Ainsi, comme dans sa troisième douleur, Marie avait trouvé un nouvel amour pour Jésus, la grâce de cette douleur pouvait être d'élever immensément plus haut tout son amour pour notre Seigneur, de rendre cet amour plus digne, quoique infiniment éloigné, des mérites de son objet. Or, il en est ainsi d'un grand nombre des grâces de la Sainte Vierge. Elles s'avancent à travers le désert inconnu de l'infini. Elles ne peuvent jamais atteindre à l'autre extrémité, car il n'en existe pas. Cependant, elle s'approche plus près de Dieu. Nous avons déjà remarqué une autre des dispositions de la Sainte Vierge, savoir son extrême humilité dans le temple. En effet, chaque moment des 3 jours d'absence faisait naître chez Marie les actes d'humilité les plus étonnants. Quand son âme se vit entourée d'une nuit profonde, sa tranquillité au milieu de ténèbres si propres à la troubler, et qui cependant ne le firent pas, était l'effet de sa grande humilité. La crainte que Jésus ne l'eût quittée à cause de l'indignité qu'elle se supposait, était aussi le fruit de cet abaissement qui, en exagérant même ses défauts, s'approche davantage de la vérité divine. Mais l'humilité de Marie fut surtout éprouvée et triomphante, lorsqu'elle proclama en public ses droits sur Jésus, au pied duquel elle eût voulu tomber pour l'adorer comme la seconde personne de la très sainte Trinité, ce qu'elle fit, nous dit Marie d'Agreda, aussitôt qu'elle fut arrivée hors des portes de Jérusalem, loin de la vue des hommes. Son silence lorsque Jésus fit sa réponse, qui n'était pas en réalité une réponse, mais qui ressemblait à un reproche étrange dans la bouche d'un enfant de 12 ans, le silence de Marie, disons-nous, était la continuation de la même humilité merveilleuse. Tout cela est bien d'accord avec ce que nous savons d'ailleurs de notre Mère bien-aimée. Tout cela, nous nous y attendions et nous le reconnaissons. C'est l'image qui nous est familière, et nous respirons plus à l'aise que tout à l'heure, lorsque nous gravissions avec effort ces hauteurs élevées qui ne sont pas réservées à des créatures telles que nous. Marie nous étonne toujours. Il y a pour nous de douces surprises dans ses grâces les plus communes, la beauté en est à la fois si héroïque et si agréable. Cette beauté est bien loin de nous, mais elle ne paraît pas si éloignée. Elle nous tente. Il nous semble que nous pouvons y atteindre. Du moins, elle nous attire vers elle et nous montre ainsi la meilleure route sur laquelle nous puissions marcher. N'est-il pas bien étrange qu'en trouvant Dieu nous devenions plus humbles, même lorsque par là nous nous sentons ravis, et que nous nous sommes élevés plus haut? L'humilité est le parfum de Dieu. C'est le parfum que laisse derrière lui celui qui ne peut s'humilier parce qu'il est Dieu. C'est l'odeur, la marque, le signe, que le Créateur laisse sur la créature quand il l'a pressée pendant un moment. Il faut que l'humilité soit une loi du monde de la grâce, puisque nous la trouvons dans Marie, dans les saints, et, d'une manière très faible et presque imperceptible, en nous-mêmes. Peut-être est-elle inséparable de Dieu. Par elle, nous découvrons dans l'Ancien Testament le Très-Haut, celui qui est incommunicable. Par elle, nous découvrons Jésus dans le Nouveau Testament. La gloire de l'humilité est dans la nature humaine de notre Seigneur, sur laquelle la pression de la nature divine demeura toujours. C'est cet inévitable parfum que Dieu laisse derrière lui qui l'empêche de nous dérober entièrement ses traces. C'est la myrrhe, l'aloès et la cannelle de ses maisons d'ivoire. Marie l'a maintenant retrouvée, et elle s'est reposée dans la vallée d'humilité la plus basse et la plus fleurie, et le parfum de Dieu a parfumé ses vêtements enrichis d'or, parés de divers ornements. Psaume 44. Une autre disposition de la Sainte Vierge dans sa troisième douleur était sa résignation, qui simplifiait pour ainsi dire, par une souffrance unique, les afflictions variées et nombreuses qui s'y trouvaient renfermées. Il n'y a absolument aucune disposition de l'âme, aucun don, aucune grâce, pour supporter le malheur, qui puisse être comparé à la simplicité. La simplicité amène à sa suite la droiture du cœur et des yeux. Elle ne s'étonne pas. Elle ne se précipite pas. Elle ne se laisse pas distraire par plusieurs choses. Elle est accompagnée d'une sorte de discrétion, dont on ne se rend pas compte, et qui est très utile dans les temps d'affliction. L'oubli de nous-mêmes est la leçon vont la plus pénible et la plus nécessaire que nous ayons à apprendre en temps de trouble, et, en cela, la simplicité nous mène à moitié chemin. En outre, la simplicité fortifie notre foi en tenant nos regards doucement fixés vers Dieu, et presque sans effort, née dans la nature de la simplicité d'être trop maîtresse d'elle-même pour être prise à l'improviste par cette tentation subtile qui nous assaille dans l'affliction, et qui, sous prétexte de prudence ou d'un bien plus grand, nous détourne artificieusement de Dieu pour nous faire reposer sur des créatures. La simplicité est entourée d'un cercle de lumière, même dans les ténèbres, comme la lune qui brille à travers un brouillard. S'il n'y a pas alors assez de lumière pour guider la marche, il y en a du moins assez pour garantir contre les surprises. Telle était la simplicité de notre mère bien-aimée. Et cette simplicité avait à lutter contre une effrayante complication de douleur. Il y avait d'abord la cruelle souffrance dont le propre est de distraire et d'égarer. La souffrance semble diviser notre nature en nombreuses fractions dont chacune vit et apporte sa douleur. Il y avait en outre, chez Marie, la souffrance corporelle due à l'affliction intérieure ainsi qu'à la fatigue, à la faim et au manque de repos. S'asseoir et mourir aurait été aisé, si cela lui eût été permis. Mais il y avait à travailler, à penser, à projeter, à considérer, à se mouvoir, et l'activité était presque insupportable dans une conjoncture telle que celle où elle se trouvait. Et c'était ce moment-là que Dieu choisissait pour l'accabler d'une manière surnaturelle par des épreuves intérieures. Elle se trouvait dans les ténèbres. Un changement soudain semblait être survenu dans la vie de son âme. Elle combattait, non contre un seul mal, mais contre un grand nombre, non contre un mal qu'elle sut ou trouver comment braver, mais contre des incertitudes, des conjectures, des soupçons, une cruelle perplexité, une ignorance inaccoutumée, et des ténèbres qui la déconcertaient, qui venaient à l'encontre de ses pensées, et les refoulaient en elle. Marie souffrait tout cela en un seul et même temps. Et cependant, sa volonté ne cessa d'être plus calme qu'un lac pendant l'été, comme le lac repose dans le sein de la verte vallée, ainsi sa volonté reposait dans le sein de Dieu. Elle ne fut jamais agitée. Ni premier mouvement, ni souffle irréfléchi d'amour propre, ne rida jamais, même d'une manière imperceptible, la surface argentée de ses eaux. Ce calme était dû à la simplicité. Pendant 63 années de la vie de Marie, cette vertu accomplit bien des merveilles. Mais à part le moment de l'incarnation, rien ne peut être comparé à l'amoureux silence des 3 jours d'absence. Il semblait, et sans doute ce ne pouvait être une apparence, que la perte de son fils eût conduit Marie à se reposer plus profondément dans le sein du Père. Quoique cette troisième douleur soit située en grande partie sur des hauteurs qui nous sont inaccessibles, elle est, néanmoins, si pleine de leçons pour nous, qu'il est difficile de faire un choix parmi les enseignements qu'elle nous donne. Elle nous enseigne d'abord que la perte de Jésus, quelque courte qu'en soit la durée, est le plus grand de tous les maux. C'est là ce qui était presque intolérable, même pour la Sainte Vierge, et Jésus ne nous est pas plus nécessaire qu'il ne l'était pour elle, parce qu'il est absolument nécessaire à toutes les créatures, seulement il est pour nous d'une nécessité plus pressante, à cause de notre faiblesse. La grandeur de l'affliction de Marie est pour nous une mesure visible de la grandeur du mal. Et cependant, hélas, combien peu le sentons-nous? Que de bonheur ne voyons-nous pas dans des hommes qui ont perdu Jésus, ignorant presque leur perte, plus souvent encore indifférents à cette perte lorsqu'ils la connaissent. Nous aurions pensé que la perte de Jésus était en elle-même un mal si effroyable que rien ne pouvait l'aggraver, et cependant ne pas comprendre la grandeur de notre perte est un signe d'une misère encore plus grande. C'est une triste chose assurément que la voix du monde soit plus agréable à nos oreilles que la voix de notre Seigneur. Si le monde est si misérable, si haïssable, c'est par cela même qu'il ne possède pas Jésus. Jésus n'appartient pas au monde. Jésus a refusé de prier pour le monde. Notre amour pour le monde est une véritable déclaration de guerre contre Jésus. Ainsi l'a déclaré notre Seigneur. C'est une chose qui fait défaillir nos cœurs que de regarder le monde et de savoir qu'il est étranger à Jésus. C'est pour nous comme la vue désolée de bruyères stériles ou de tristes marécages. C'est une région que nul soleil ne peut dorer, lugubre pendant le jour le plus brillant, et plus hideuse encore quand elle est éclairée par le soleil. Il en est ainsi du monde parce qu'il ne possède pas Jésus. Il en est ainsi de nous suivant la proportion dans laquelle nous sommes amis du monde, ou en paix avec lui. Jésus et le monde sont incompatibles. N'y a-t-il pas de quoi nous effrayer? Les plaisirs, la gaieté, la mode, le luxe, osons-nous, même en pensée, supposer tout cela dans le cœur de Jésus? Sourirait-il en entendant des paroles mondaines? Désirerait-il plaire à ceux qui l'entourent, et qui ne se donnent pas la moindre peine pour plaire à son Père? Chercherait-il à se rendre populaire dans la société, à rester dans de bons termes avec ceux qui ne se soucient pas du seul intérêt qu'il a lui-même à cœur? Chercherait-il à tenir ses principes à l'écart, non seulement par amour du silence et par réserve, mais dans la crainte de causer quelque gêne à autrui, et de porter atteinte à cette politesse de relation sociale, qui tient lieu de charité? Hélas, le péché est un mal. L'excès du plaisir est un mal. Donner à Dieu la seconde place est un mal. Adorer le riche est un mal. Endurcir nos sentiments chrétiens pour nous accoutumer aux frivolités mondaines et à des conversations très légères et très peu charitables, c'est un mal. Mais du moins ce sont là des mots qui ne portent pas de masque. Nous savons ce que nous faisons. Nous renonçons à Jésus avec la pleine connaissance de notre sacrifice. Nous optons pour un parti. Nous choisissons notre lot en connaissance de cause. Mais le désir de plaire, voilà le danger pour une personne pieuse. L'idée par elle-même implique déjà une totale séparation du Christ. À quoi désirons-nous plaire en effet? Au monde qui est l'ennemi de Jésus. À qui désirons-nous plaire? À ceux qui ne se soucient pas de plaire à Dieu, et dans lesquels Jésus ne met pas sa complaisance. En quoi désirons-nous plaire? Dans des choses, des conversations et des entreprises qui n'ont pas de rapport avec Dieu, qui n'ont pas le parfum de Jésus-Christ, qui n'ont pas de tendance religieuse. Quand désirons-nous plaire? Au temps où nous faisons le moins pour Jésus-Christ, alors que la prière, la foi, l'espérance, la charité et une douleur permanente du péché seraient les plus inopportunes. Où désirons-nous plaire? Dans les lieux où Dieu paraît moins qu'ailleurs, où chaque circonstance reflète sur nous l'image du monde comme la lumière d'un lustre. Cependant, nous ne voyons aucun mal. Nous voulons que tout soit comme il faut, poli, inoffensif, simplement que Dieu soit tenu discrètement à l'écart. Dieu a dit que lui-même et Mammon ne peuvent demeurer ensemble. Et jusqu'à un certain point, nous forçons Dieu à demeurer avec l'idole. Il faut qu'à la fin il se tienne en paix avec le monde, et qu'il apprenne à se mouvoir à côté de lui dans sa propre sphère sans empiètement, sans dispute. Chose terrible, l'enfer ne se trouve-t-il pas déjà dans cette seule tentative? Et cependant combien peu les hommes le soupçonnent? C'est comme un miasme malfaisant qui se répand dans l'air et qui n'affecte pas d'abord les poumons. Mais les lumières commencent à s'obscurcir, puis elles s'éteignent l'une après l'autre, et nous restons dans les ténèbres, incapables d'échapper, atteints que nous sommes déjà par la léthargie et la suffocation. En d'autres termes, des principes élevés s'abaissent peu à peu, ou nous les gardons pour les grandes occasions, telles que le carême ou la société d'un prêtre. Puis, Nous commençons à ressentir vivement l'ennui que nous cause la conversation de ceux qui sont chrétiens avant tout, nous déclarons qu'ils sont indiscrets, et, après avoir par là satisfait notre conscience, nous les louons plus que jamais, parce qu'au moyen du jugement circonspect que nous avons prononcé sur eux, nous avons écarté ce qui, en eux, nous mettait mal à l'aise, et nous endormons ce que notre conscience conserve d'inquiétude par la vivacité de louange auquel nous avons, par avance, ôté toute valeur en les contrebalançant. Ensuite la pensée nous vient que c'est un devoir pour nous de rester bien avec le monde, même dans l'intérêt de Dieu. Mais être bien avec le monde, c'est presque être ses amis. Alors commencent les symptômes des deux vies distinctes qui vont se passer en nous. Mais nous ne voyons pas nous-mêmes ces symptômes. Puis des sentiments d'inquiétude naissent en nous, et enlèvent le plaisir que nous trouvons en certaines personnes, en certaines choses, en certains livres, en certaines conversations. Nous nous réveillons et nous nous représentons d'une manière intellectuelle l'avantage qu'il y a à être doux, à ne pas offenser et à rester dans de bons termes avec le monde. Cette idée nous console, et tout recommence pour nous à bien aller, et les bénédictions de Dieu, ces bénédictions spirituelles s'évaporent et s'éloignent de nous, de nos enfants, de nos demeures, de nos cœurs et de tout ce qui nous entoure, par degrés et presque imperceptiblement. Mais le soleil de la prospérité brille si éclatant, que nous ne voyons pas le brouillard que produit l'évaporation qui s'élève de la terre et se retire dans le ciel. Peut-être ne nous éveillerons-nous plus jamais à la lumière. Le désir de plaire a des propriétés soporifiques. Nous sommes entraînés ainsi sans jamais soupçonner jusqu'où le courant nous éloigne de Dieu. Nous pouvons mourir sans connaître notre état, mais nous le connaîtrons après la mort, immédiatement après. C'est ainsi que nous pouvons perdre Jésus de trois manières. Nous pouvons nous séparer brusquement de lui par le péché. Nous pouvons nous éloigner de Jésus, tranquillement et doucement, en confessant que les attraits du monde sont plus grands que les siens. Nous pouvons nous retirer de Jésus, lentement et par degrés insensibles, le visage toujours tourné vers lui, de la même manière que nous nous retirons de devant un monarque. Et cela parce que Jésus n'est pas en nous un principe fixe, tandis que le désir de plaire est pour nous ce principe. Mais si nous avons perdu Jésus d'une de ces trois manières, le péché, la mondanité, le désir de plaire, et que Jésus nous réveille par sa grâce, que devons-nous faire? La troisième douleur de Marie nous l'enseigne. Notre Père doit être une douleur pour nous. Nous devons, comme Marie, chercher celui que nous avons perdu. Il pourra permettre que nous ne le retrouvions pas immédiatement, et cela est fort probable, mais nous devons tout quitter, afin de poursuivre notre recherche. Il faut que toutes les autres choses y soient subordonnées. Il faut qu'elle attende et qu'elle cède. Il ne faut pas que nous soyons précipités dans notre recherche. Il ne faut pas courir, il faut marcher. Nous ne trouverons pas Jésus, si nous courons. Nous ne devons pas faire de choses violentes, même contre nous-mêmes, quoique nous l'ayons bien mérité. Ce n'est pas le moment de faire de nouvelles pénitences. La perte de Jésus est une assez grande pénitence. Maintenant que nous l'avons reconnu, nous devons être doux, et la douleur nous donne la douceur. Notre recherche doit être aussi une recherche douloureuse, comme l'était celle de Marie. Nous devons chercher Jésus avec des larmes, mais non avec des cris, avec un cœur brisé, mais calme. Nous devons le chercher dans l'endroit convenable, dans Jérusalem, dans le temple, c'est-à-dire dans l'église, dans les sacrements et la prière. Jésus n'est jamais parmi nos parents, il ne se cache jamais dans les douceurs innocentes de nos paisibles foyers, c'est là une parole dure, mais cette troisième douleur l'a dite. Telles sont les conditions d'une recherche efficace. Ce fut ainsi que Marie chercha Jésus, ce fut ainsi qu'elle le retrouva, nous devons avoir du courage. Chaque chose a son remède, la mondanité même peut se guérir, et pourtant si, parmi nos maladies, il en est une qui soit presque incurable, c'est surtout celle-ci. Quand même toute notre vie n'aurait été qu'un désir de plaire, et que ce poison aurait imprégné chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos regards et de nos omissions, nous ne devrions pas, néanmoins, nous décourager. Si le changement d'habitude est trop difficile, changeons d'objet. Mettons Jésus en place du monde. Qui a jamais connu des personnes plus entièrement à Dieu que quelques âmes qui appartenaient autrefois totalement au monde, et qui semblent lui avoir appartenu d'autant plus, qu'elles sont maintenant tout entières à Dieu. Cependant nous devons aussi, comme cette douleur nous l'enseigne, nous tenir sur nos gardes contre une tentation qui nous assaillira probablement dans notre recherche. Nous perdons bientôt le sentiment de notre culpabilité, lorsque nous nous sentons redevenir meilleurs. C'est une conséquence de notre nature superficielle. Nous ne nous serons pas avancés bien loin dans notre recherche de Jésus, sans nous sentir disposés à attribuer sa perte, non pas tant à notre propre faute, qu'à quelque épreuve mystérieuse et surnaturelle que Dieu nous envoie, et dont l'arrivée est, par elle-même, un signe de notre vertu. Nos cœurs, que nous sentons brûler douloureusement pour notre Seigneur, ne peuvent pas être assurément les mêmes cœurs qui, quelque temps auparavant, nous semblaient pouvoir vivre satisfaits sans Jésus. Le changement de sentiment n'a pas été soudain ou marqué, donc il ne peut être nouveau. C'est ainsi que nous raisonnons. Hélas, la vérité est que notre propre inconstance est si grande, que nous ne pouvons y croire nous-mêmes, excepté au moment même de notre changement, et quand nous le voyons de nos yeux. Ne nous faisons pas de vaines illusions au sujet des châtiments surnaturels, ils sont rares, et rares surtout pour des personnes telles que nous. Nous avons péché, et nous en sommes punis, et voilà tout. C'est notre châtiment d'avoir à chercher celui qui demeura jadis avec nous, et qui ne nous quitta qu'à regret. Soyons sûrs que tout ce qui nous concerne est très ordinaire. Nous avons perdu Jésus, non dans les ténèbres mystiques de l'âme, mais dans la faiblesse d'un cœur mondain. Nous le retrouverons, non dans une vision, ni dans une opération puissante et intérieure de la grâce, mais en reprenant nos anciennes prières, et en fréquentant de nouveau les sacrements. C'est en cela que le mauvais esprit trompe beaucoup de personnes. Elles cherchent à voir notre Seigneur d'une manière plus frappante qu'elles ne l'avaient vu auparavant. Ainsi, elles vont jusqu'à lui, ne le reconnaissent pas, et passent outre. Il n'arrive pas souvent que les hommes retournent sur leurs pas pour poursuivre une recherche. Mais si ces âmes dont nous parlons ne le font pas, tout le monde ne voit-il pas qu'elles ont devant elles un désert où elles pourront mourir, mais qu'assurément elles ne traverseront jamais? Marie aurait pu penser que la perte de Jésus était une épreuve surnaturelle, et elle aurait pensé juste, mais elle pensa que cette perte avait eu lieu par sa propre faute, et, par là, elle atteignit à une vérité beaucoup plus élevée. Il est vrai qu'il y a pour nous une perte de Jésus, qui n'est pas tout à fait de notre faute, et qui est autant une épreuve qu'une punition. Ce n'est pas qu'il soit perdu, mais il nous voile sa face. Nous croyons que nous l'avons perdu parce que nous ne le voyons pas. Cela nous arrive maintes et maintes fois dans la vie spirituelle, et, si nous y faisons bien attention, il est certain que nous découvrirons l'action de quelques lois dans ces disparitions. Nous viendrons à connaître les circonstances dans lesquelles elles arrivent, celles qui en règlent la durée, et qui accompagnent le retour de Jésus à nos yeux. Car il fait tout avec ordre, poids et mesure, plus encore, s'il était possible, dans le monde de nos âmes que dans le monde matériel. Dieu a sa voix avec chacun de nous, et il est important que nous la connaissions en ce qui nous concerne, mais, avec tous, ces voies sont un système qui a ses lois et ses périodes, et qui est aussi régulier dans ses déviations, aussi ponctuel dans ses catastrophes que dans la paix et l'harmonie de son mouvement. Il n'y a peut-être pas de moyen infaillible pour savoir quand la disparition de Jésus arrive par notre faute. Peut-être cette cause s'y trouve-t-elle toujours jusqu'à un certain point par notre faute. Si c'était seulement une épreuve, si nous étions sûrs que ce ne fut qu'une épreuve et qu'il n'y eût pas de notre faute, elle cesserait d'être très efficace. Même dans ce cas, nous ne devons pas être passifs, alors même nous devons nous affliger, alors même nous devons chercher. Il ne faut pas attendre que Jésus revienne à nous, il faut que nous le cherchions et que nous découvrions où il est, mais, jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé, ne cherchons de consolation ni dans nos guides, ni dans nous-mêmes, moins encore dans la sympathie des créatures ou dans les consolations de la terre. Dieu seul est notre vraie consolation. Ce serait la plus triste des choses de pouvoir éprouver d'autres consolations que celle de le retrouver. Voilà ce que la troisième douleur nous enseigne, car elle reflète à la surface les relations de l'âme avec son Sauveur et Seigneur, sans que les profondeurs qui sont au-dessous produisent aucune confusion. Il y a une espèce d'égoïsme dans les sentiments avec lesquels nous nous éloignons du lit de mort quand l'œuvre effrayante est terminée. Nous éprouvons un sentiment de calme et de repos qui, au premier moment, ressemble presque à une jouissance personnelle. Mais il n'en est pas ainsi, ou du moins pas plus que notre nature ne peut l'éviter. C'était une angoisse de voir une personne aimée souffrir horriblement, de la voir lutter contre la sombre ennemie, et d'être incapable de l'aider si ce n'est par des prières que nous étions trop distraits pour faire convenablement, si ce n'est que Dieu accepte comme prière les vœux charitables de l'affligé. Tant de choses dépendaient de la lutte. Tant d'intérêts étaient dans la balance. Cela faisait mal au cœur d'y penser, plus mal encore à voir le bassin tantôt monter tantôt descendre à cette heure terrible. Maintenant tout est uni, aussi loin que notre vue peut s'étendre, bien fini, heureusement fini, bien pour l'éternité. Le corps de celui que nous aimons ne peut plus nuire, l'âme est acceptée. Il n'y a plus rien pour l'affliger ni pour le harasser. Il n'y a plus rien qui puisse tourmenter notre amour pour lui. C'est un beau changement pour lui, un changement consolant pour nous. Nos cœurs sont pleins et débordent, c'est la dilation du vrai repos. Tels sont nos sentiments quand nous voyons Jésus et Marie sur le seuil de la maison de Nazareth réunis de nouveau, leurs deux cœurs ne faisant qu'un sur le rivage de cette vaste et tranquille mer de 18 années durant lesquelles ils ne se sépareront plus. Le cœur de Marie est toujours brisé, il ne faut pas qu'il cesse de l'être. Mais il bat dans un autre cœur qui ne la quittera plus pendant des années, et il y a dans sa douleur cette lumière calme et pensive d'un beau soir, au lieu des ténèbres de la course errante et de la fatigue des 3 jours d'absence. Marie a retrouvé Jésus. C'est la paix aussi bien pour nous que pour elle. En vérité, elle est digne d'envie maintenant à cause de ses joies, même au milieu de la multitude de ses douleurs. markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.